je passe mon temps terrestre à tenter de comprendre ce qui fait que peut-être je ne pourrai pas te prendre. Toi tu me fais douter, toi tu me fais douter, toi tu me fais douter. Tu me donnes du tracas, oh Marina. Je t'ai vu au Shamrock, tout à fait par hasard. Toi tu étais sous coke, moi j'étais en retard. Et tu me fais douter, et tu m'as fait douter, et tu m'as fait douter. Tu me donnes du tracas, oh Marina. Heureuse, j'ai cru que tu étais amoureuse, j'ai cru que j'avais du sexe à pile, j'ai cru que tu n'étais pas sous coke, j'ai cru vivre à la bonne époque, j'ai cru à tes bras, oh Marina. Alors maintenant qui croit, qui croit, qui croit, assis sur le trottoir, trottoir, trottoir, à qui confier son être, son être, son être, si les drogués s'y mettent, s'y mettent. Toi tu m'as fait douter, toi tu m'as fait douter, toi tu m'as fait douter. Tu me donnes du tracas, oh Marina. Tu me fais douter, tu me donnes du tracas, oh Marina. J'ai cru que tu étais heureuse, j'ai cru que tu étais amoureuse, j'ai cru que j'avais du sexe à pire, j'ai cru que tu n'étais pas sous coke, j'ai cru vivre à la bonne époque, j'ai cru à tes bras, oh Marina. J'ai cru que tu étais heureuse, j'ai cru que tu étais amoureuse, j'ai cru que j'avais du sexe à pire, j'ai cru que tu n'étais pas sous coke, j'ai cru vivre à la bonne époque, j'ai cru à tes bras, oh Marina.